Il était une fois des histoires en musique avec Élodie Fondacci. Des histoires. Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît, de me raconter une histoire? Encore une histoire? Vous avez été sage, vous êtes sûr? Bon, d'accord. Je vais vous raconter l'histoire du bonhomme au grand cœur. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, parce que l'histoire va commencer. Au cœur d'une forêt blanche de neige, vivait un drôle de petit bonhomme, tout de vert vêtu. Il ne ressemblait à personne. Il avait les doigts très fins, un nez tout rond, des yeux très noirs et de longues boucles rousses. À 7 mois, il marchait déjà. Il riait souvent en faisant « ho ho ho » et il ne buvait que du lait de renne. Lorsque ce petit bonhomme eut 7 ans, il réussit à parler aux animaux et surtout à son compagnon préféré, un renne nommé Caramel. Toujours habillé de vert, il ne faisait rien comme les autres. Il pouvait ainsi passer des heures à construire des petits jouets en bois, de la main gauche, tout en dessinant de la main droite. Une nuit qu'il avait fabriqué un petit pantin, il eut l'étrange envie de l'offrir. Alors, il se glissa en cachette dans une maison voisine et déposa sa surprise dans les chaussons d'un enfant. Ensuite, vite, vite, vite, il rentra se coucher. « Ho, ho, ho !» dit-il à Caramel, le cœur gonflé de joie. « Je ne savais pas que faire plaisir me rendrait aussi heureux. Mais, chut, c'est notre secret !»« Motus et bouche cousue !» répondit Caramel. Alors, chaque nuit, le bonhomme se mit à visiter une maison différente. Une petite fille rêvait d'une poupée? Un bébé ne trouvait plus son ours? Le bonhomme attendait la nuit tombée pour entrer dans leur maison et apporter, retrouver ou réparer les objets tant aimés. Et chaque fois qu'il faisait plaisir à quelqu'un, hop, il grandissait un peu plus. C'est ainsi qu'il grandit. À 17 ans, il dépassait tout le monde de 3 têtes. Ho ho ho, confia-t-il un jour à Caramel. Au-delà de cette forêt, il y a sûrement d'autres enfants à qui je pourrais faire plaisir, si on allait voir. Motus et bouche cousue, répliqua Caramel. Alors, un jour, le bonhomme grimpa sur le dos de Caramel et tous deux s'en allèrent en sifflotant. À partir de cette époque, pour qu'on ne le remarque pas, le bonhomme prit l'habitude de s'habiller en blanc. De nombreuses histoires couraient désormais dans le pays à propos d'un mystérieux personnage qui gâtait les enfants en secret. Les années passèrent en un claquement de doigts. Le jour de ses 27 ans, le bonhomme arriva devant une charmante petite maison. Le toit était de travers et la cheminée toute cassée. Sans attendre, il fit un clin d'œil à Caramel et il s'installa sur le toit pour le réparer. Pendant ce temps-là, Caramel fit un petit tour du côté de la grange. Au bout d'une heure de travail, alors qu'il se penchait au-dessus de la cheminée, patatras, le bonhomme y tomba la tête la première. Et il atterrit directement dans le salon. Garance, la jeune dame de la maison, poussa un grand cri, puis elle éclata de rire en voyant le bonhomme blanc, tout noir de suie. Quand elle eut fini de rire, la jeune dame proposa « Restez donc dîner avec moi !» Garance était toute ronde, toute belle, la maison toute douce, le repas délicieux. Et dans la grange, il y avait même une place pour Caramel et une dame reine prénommée Cannelle. Le bonhomme et Caramel ne voulaient plus repartir. Le temps passa en un battement de cœur. La maison résonna vite de rires d'enfants et de hennissements de petites reines. Le bonhomme avait vieilli et tellement grossi qu'il mettait un gros ceinturon pour tenir son pantalon. Des flammes de joie dansaient dans ses yeux. Inlassablement, il inventait des cerfs-volants d'or et d'argent et des petites guirlandes lumineuses, légères comme des bulles de savon. « Oh, oh, oh !» pensait-il, je suis de plus en plus heureux. » Mais comme il devenait bien difficile de faire plaisir aux enfants sans se faire voir, le bonhomme décida de ne passer dans les maisons qu'une seule fois par an. Il choisit alors la plus belle nuit de l'hiver, la nuit de Noël. Voilà, c'était Le Bonhomme au grand cœur, une magnifique histoire écrite par Laurence Fay et illustrée par Christelle Runz, que vous pourrez retrouver dans le magazine Les Belles Histoires, un mensuel que vous connaissez certainement, un mensuel des éditions Bayard Press, qui sort donc chaque mois en kiosque. Alors dépêchez-vous, car cette histoire est disponible encore pendant quelques jours, avant d'être remplacée bien sûr par le numéro de janvier. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Le conte de ce mois-ci s'appelle « Les 12 mois ».